La vie est faite de défaites et de victories. Mais quoi qu'il arrive, pour toi chaque moment reste historique. J'aimerais entendre tout le public crier avec nous victory. C'est victory, victory, victory, victory. J'écris ces textes en temps de guerre où je te dis l'amour est mort. Il s'est évadé de nos terres, le corps est visible à la mort. Je veux pas faire le MC blasé qui veut cramer tout Babylone. Mais je suis pas non plus Camaro qui va sortir. Nous notre blast c'était Magnum, on nous surnomme les pyromaques. Car quand on brûle le mic, tu dis qu'il y a pas pyromaque. On débarque et la France on contamine. Sérieux, réserve ton vaccin avec nous, fais pas qu'on l'a mise. J'dirais pas qu'on l'a mise mais qu'on avise avant de viser la victoire. C'est ma vision et ma devise que je divise en envie d'y croire. Car j'ai de la rage à revendre et de l'essence dans le moteur. Silence sur le plateau, action moteur. Le mot d'or c'est la motive, faut pas qu'on dise qu'on est maudit. Y'aura toujours des motifs alors qu'on pense que mes mots disent. Notre culture est en train d'écrire une page de notre histoire. Alors public lève la main et crie avec moi victory. La vie est faite de défaites et de victory. Mais quoi qu'il arrive, pour toi chaque moment reste historique. J'aimerais entendre tout le public crier avec nous victory. C'est victory, victory, victory, victory. La vie est faite de défaites et de victory. Mais quoi qu'il arrive, pour toi chaque moment reste historique. J'aimerais entendre tout le public crier avec nous victory. C'est victory, victory, victory, victory. J'aime la musique et ses basses, avec elle j'ai appris plus que toutes ces merdes en classe. Mais je veux pas finir sous l'abribus. En bref j'écris plus. Comment vous dire que le son c'est réel? Si le rap était du fou, je pense qu'on évoluerait au réel. Je réalise que la victoire c'est l'envie de croire que tout est possible. C'est dur de voir car tu sais les jaloux te prennent pour cible. Ouais les gens sont avec toi, ils se rapprochent pour mieux te descendre. Nous mecs on attaque donc rien à foutre de se défendre. Voici un monde de buts où l'on rencontre mais trop de défaites. On se démarque au nombre de buts, faut tout niquer avant qu'on décède. On se doit d'infester les ondes, y'a du taf, faut qu'on prospecte. Beaucoup nous détestent mais quand on rappe ils nous respectent. La vie est faite de défaites et de victoires. J'arrive en 7-7 pour raconter notre histoire. Rapprochez-vous pour voir, c'est pas encore terminé. Et ma tombe c'est que le début, rayon est déterminé. La vie est faite de défaites et de victory. Mais quoi qu'il arrive, pour toi chaque moment reste historique. J'aimerais entendre tout le public crier avec nous victory. C'est victory, victory, victory, victory. MC Belette, Bob Touch, c'est la new school. Yeah, victory. La vie est faite de défaites et de victory. Mais quoi qu'il arrive, pour toi chaque moment reste historique. J'aimerais entendre tout le public crier avec nous victory. C'est victory, victory, victory, victory. La vie est faite de défaites et de victory. Mais quoi qu'il arrive, pour toi chaque moment reste historique. J'aimerais entendre tout le public crier avec nous victory. C'est victory, victory, victory, victory.